La bergère empire par Léo Larguet. Monsieur Mariande nettoyait avec de grandes précautions une petite toile enfumée. Il appliquait un tampon de ouate contre le goulot d'une bouteille remplie d'un liquide sanguin, pareil à une orangeade, puis il frottait prudemment la vieille peinture sombre. La sonnette grelotta et un jeune homme salua l'antiquaire. « Bonjour, monsieur Nérel. Je ne vous tends pas la main, elle est couverte de poussière et d'essence. » Il lui montra la toile. « Ça sent bon, » dit Claude Nérel. « Vous n'avez rien ajouté à votre mixture ?»« Non, mais les dosages varient énormément. Il faut, pour y réussir, une main d'apothicaire. Lorsqu'il y a des glaces si délicats, un peu trop d'alcool les enlève, et alors vous trouvez le curé. Ne faites pas attention. C'est une expression à moi. Je pensais que vous la connaissiez. Un jour, j'ai trouvé une toile charmante. Au bord d'une source, près d'une colonne brisée, sous un laurier plein de ciel bleu, une femme se déshabillait. Il y avait là-dedans les frissons argentés et la manière spirituelle de Panini. Je la frottais trop fort, et sous la jolie fille que j'effaçais, je fus effaré de voir une tête d'ecclésiastique. On avait tout simplement utilisé une vieille toile pour y peindre la peigneuse qui s'était épanouie en respirant ma drogue. C'est ce que j'appelle trouver le curé. Rien de nouveau. Vous allez sans doute dîner dans votre crèmerie. Je ne comprends pas pourquoi, vous qui êtes à tel point passionné de choses anciennes, vous pouvez aimer ces décors blancs et neufs qui font ressembler ces établissements à des cabinets de toilette. La compagnie des jeunes filles qui mangent en lisant Tennyson et Ruskin vous plaît? Vous ne tarderez pas à vous marier, et au fond, vous aurez raison. Claude Nérel se récria. Si, si, continua M. Mariande, vous y viendrez. Je suis un vieux célibataire, mais j'ai toujours pensé que le bonheur était dans les voies communes. Vous souriez. Vous croyez que je n'ai jamais été capable d'aimer autre chose que la brocante. Détrompez-vous. Chacun a sa petite histoire. Comme tous les hommes, j'aimais une jeune fille. Elle en a épousé un autre, c'est tout. Vous ne l'avez jamais revue ? Demanda Claude Nérel. Jamais. Blanche doit avoir 55 ans à présent, si elle vit encore. Mais depuis longtemps, ma jeune fille svelte et brune n'existe plus. C'est ce qui me console. Elle a dû se transformer en une vieille dame quelconque. Il ne lui reste plus rien de ce que j'aimais. Elle grisonne, elle traîne la jambe, elle est poussive à cause de son asthme. Comment voudriez-vous que je reconnaisse ma jeune fille élancée, alerte et intrépide? Vous partez déjà? Je n'ai rien à vous montrer aujourd'hui. Il tendit la main au jeune homme qui fit, en refermant la porte, grelotter la clochette au ras du plafond. Après le départ de Claude Nérel, M. Mariande se remit à frotter la toile qu'il avait abandonnée. Sous le tampon de ouate imbibé d'alcool et d'huile, un feuillage caché reverdissait, luisant comme après une averse d'été. Un pan de ciel bleu se découvrait, débarrassé d'un nuage de crasse, et un petit personnage en veste rouge apparaissait près d'une ruine, dans un paysage qui s'éclaircissait par degrés. « Hé hé !» murmura le brocanteur. « Cela pourrait bien être de Guardie. C'est curieux. C'est tout à fait sa manière. » Il éprouvait presque une joie d'artiste et de créateur à faire venir, comme il disait, tous ces détails cachés sous de vieux enduits. Il prit sa loupe, cherchant au bas du châssis une indication, une initiale ou quelques signatures. La clochette grelotta de nouveau. Il se leva devant une dame qui entrait et qui hésitait au seuil de la boutique. « Monsieur, dit-elle, j'ai aperçu ce matin en passant avec mon fils une bergère empire que je voudrais voir de plus près. » M. Mariande ôta l'abat-jour de sa lampe. « La voilà. C'est bien cela. Elle est en bon état, n'est-ce pas ?» L'antiquaire vanta l'Utrecht du siège, un velours bouton d'or frappé de petites couronnes de laurier. « Vous me permettez de l'essayer ?» dit en souriant la visiteuse. Elle s'enfonça dans le large fauteuil. C'était une dame d'une 60aine d'années. Elle avait des cheveux blancs et une toilette élégante et sobre. Elle examinait les objets qui étaient autour d'elle à travers la glace de son face-à-main. Elle se leva. Le prix qu'elle demandait au marchand la fit réfléchir pendant un instant. Enfin, elle tira des billets de son sac et elle dit à M. Mariande de lui faire envoyer le meuble le lendemain. Le vieillard ouvrit le registre sur lequel il notait l'adresse de ses clients. C'est entendu, monsieur. Demain matin, avant 10 heures. Voulez-vous que j'écrive moi-même mon nom? Il est un peu compliqué. Sans se déganter, elle prit le crayon que lui tendait le brocanteur. C'est à deux pas d'ici, boulevard Saint-Germain. Elle examina une dernière fois la bergère, et la main sur la poignée de la porte, elle dit encore. À demain matin. Bonsoir, monsieur. Monsieur Mariande, qui s'était avancé pour la reconduire, répéta. À demain matin. Bonsoir, monsieur. Un cadre accroché contre les vitres tinta, et l'antiquaire referma la porte de sa boutique, où flottait à présent une discrète odeur d'étoffe neuve et de violette. Il alla s'asseoir de nouveau à sa table, et sur le carnet où l'acheteuse avait écrit son nom, il lut « Madame Veuve Wilbert Grantelme ». C'était Blanche. Elle était veuve. Elle avait un fils, et il ne s'était pas reconnu. Machinalement, il reprit la toile qu'il nettoyait un moment auparavant. Un coin de sel s'obstinait à ne pas vouloir bleuir. Il frottait doucement. Blanche. Cette vieille dame a un cheveu de neige. Monsieur Wilbert Grantelme était mort. Elle avait un fils qui s'intéressait aux antiquailles. Des choses confuses, des regrets, des souvenirs, une émotion qui venait de très loin, montait en lui, et une larme qu'il ne peut retenir s'écrasa sur la toile qu'il tenait. Il l'essuya avec son tampon de ouate. L'azur qui refusait de se montrer s'éclaircit, lavé par cette goutte d'eau. M. Mariande s'essuya les yeux. Il eut un pauvre sourire navré, et comme 7 heures sonnait à l'horloge de l'Institut, il murmura. Mettons les volets et allons dîner. Je ne mangerai pas grand-chose ce soir. Et je n'oserai jamais faire part à M. Nerel de ma découverte. Je n'oserai jamais lui dire que pour nettoyer à fond une vieille peinture, il faut ajouter quelquefois, à l'alcool et à l'huile de ma mixture, une larme que l'on gardait depuis 30 ans. C'était La Bergère Empire, par Léo Larguet.